Madame, je viens de vous demander votre culotte. Mais oui, je vous la donnerai si vous me donnez votre slip. Il est ravi de sentir son répondant autant que ses tentatives de résister. N'est-ce pas là précisément le délice de ces jeux d'approche ? Reprenons une coupe, voulez-vous ? Chercheriez-vous à me griser, monsieur ? Certes, n'en doutez pas, mais pas par la colle. Elle le regarde alors, décidée à le provoquer, voulant ainsi essayer de prendre l'avantage, lui montrer qu'il ne va pas réussir à la manœuvrer aussi facilement. Et je suis sous le charme de cette rencontre qui est notre première rencontre. Je suis malgré tout très étonné, monsieur, que vous osiez me demander ma culotte. Seriez-vous fétichiste des petites culottes ? Et puis, comment pouvez-vous être certain que j'en porte une ? Je ne suis jamais sûr de rien, chère madame, mais ce que je sais de vous me permet de penser que vous n'êtes pas du genre à venir une première fois les fesses à l'air. Il la regarde en souriant doucement. Il aime son allure et elle le devine. Soit, oubliez donc ma demande. Peut-être suis-je un peu trop speed, comme l'on dit aujourd'hui. Non, je n'oublie pas, bien au contraire. Elle sent instinctivement qu'elle peut le contrer à ce moment et ce jeu tellement cérébral en même temps qu'érotique la ravit. Le maître d'hôtel a discrètement posé deux nouvelles coupes et quelques amuse-gueules. Il se saisit d'un petit canapé et se penche pour le lui donner. Elle l'attrape de ses lèvres en le fixant. Regard intense de part et d'autre. Votre calendrier est charmante et le champagne que vous m'offrez ne me fait pas oublier que c'est vous qui renoncez au défi que vous m'avez lancé. C'est donc moi maintenant, cher monsieur, qui vous prie de me donner votre slip. Je vous attendrai sagement, je ne toucherai même pas à ce champagne. Allez vite aux toilettes et faites en sorte d'accéder à ma demande. Il est tout à fait étonné du ressort dont elle fait preuve. Il voit bien à ses yeux brillants, à sa respiration plus rapide qu'elle est dans l'émotion. Et il ne peut se cacher à lui-même qu'il éprouve une exaltation certaine. Il a juste le temps de penser qu'il est ravi de sentir qu'elle a envie de jouer. Eh bien, vous hésitez ? Auriez-vous peur d'aller vous déculotter ? Devrais-je vous prendre par la main pour vous emmener moi-même et prendre ce que vous n'osez faire ? Elle a conscience qu'elle fait très fort et subitement, elle comprend qu'elle risque d'être prise à son propre jeu. Je devine sans peine ce que vous pensez à cette seconde. Comment allez-vous vous sortir du piège que vous vous êtes tendu au début ? Je n'ai nullement la sensation d'être dans un piège. Tout en prononçant ces mots, elle prenait conscience que le virage allait être délicat à prendre, à négocier. Oui, voilà, se dit-elle, négocier. Mais, cher ami, voyons, comment pouvez-vous être certaine que je porte un slip ? Voyez-vous, je suis audacieux. Monsieur, je n'hésiterai pas à vous présenter mes excuses. Si vous me démontrez que j'ai tort de penser que vous ayez pu oser venir nu sous ce pantalon de velours, un simple petit glissement de baguette suffirait à me rendre compte, même ici, c'est très vrai, même ici, un simple petit mouvement de vos jambes suffirait à ce que mon regard indiscret puisse discrètement apercevoir si quelque étoffe protège votre vulve. Diable d'homme, pense-t-elle. Votre regard, votre voix me trouble. Je sais que vous le savez, vous en jouez comme d'une caresse. Grave, chaude, sensuelle, tendre. Elle me bouleverse. Continuez à me faire frissonner. frissonner sous le souffle de vos mots doux et chauds. Faites rougir mes joues des aveux que vous me dérobez et d'émotion mes seins se durcissent sous ma robe. Instantanément, elle comprend qu'elle n'aurait pas dû dévoiler ses sensations intimes. Son antre est aussi ému que sa tête. Ses yeux humides et brillants n'ont rien à envier à son sexe. Elle se sourit en pensant fugitivement qu'au fond, ce serait un bel hommage rendu à cet homme que de lui montrer à quel point il parvient à lui faire mouiller sa culotte. D'abord, on se croise dans une gare ou dans un lieu tout à part. On s'envoie sans message sur le tard, se promener l'œil hagard à la recherche d'un phare. Puis se croiser par hasard, s'égarer dans un regard, ensuite commencer à écrire une histoire, s'amuser à quatre mains et feuiller délicatement deux mains. Aimez-vous mes mains ? Et alors désirer, et ce n'est pas hasard, s'installer dans cette histoire, oublier tout ce qui est noir et s'effleurer avec égard. Elle prend conscience d'être sous le charme de sa voix basse, rauque par moments. Et le regard qu'il pose sur elle est souvent comme une caresse. Elle est tellement avide de caresses, tellement en manque de ces caresses. Ce diable d'homme qui a réussi à la faire venir, elle, si prudente, si craintive même. Bien qu'elle tente de s'en défendre, elle éprouve une confiance instinctive, ce qui augmente sa crainte de tomber dans ses raies. Elle reprend sa coupe et se remplit la bouche du champagne encore frais. Elle le regarde, se sentant rougissante de faire ostensiblement des bulles avant de boire. Moi aussi j'aimerais beaucoup. Le feriez-vous vraiment ? Ah, là je ne comprends pas, que voulez-vous dire ? Qu'aimeriez-vous donc ? Elle est estomaquée qu'il ait deviné, mais a-t-il vraiment deviné ? Ou fait-il encore semblant pour la provoquer ? Ah, je comprends votre hésitation, le lieu ne s'y prête guère. Plus tard peut-être, ailleurs. Ailleurs ? Ah, mais oui, nous n'allons pas passer toutes les heures à venir dans ce bar, aussi confortable soit-il. N'avez-vous pas faim ? S'il savait la faim qui la tenaille, elle est affamée. Elle ferme les yeux, le souffle lui manque. Entendre ce mot « faim » l'a plongée dans une rêverie intenable. J'ai faim de toi, de tes mots, de ton ventre, de ton plaisir, de tes cris. J'ai faim de mes peurs et des tiennes, de ta présence, de ta liberté, de ta folie, de la mienne. J'ai faim à avoir toujours faim. Maintenant, ici, viens auprès de moi. Pour ta première fois, redemande-moi ma culotte. Je fermerai les yeux quand tu regarderas combien tu me fais couler. Ferme les yeux, laisse-toi aller, laisse-moi aller en toi pendant que je te caresse. Je te parlerai quand je te prendrai en pleurant de joie. Et quand je te parlerai, je viendrai tout doucement poser mes lèvres sur les tiennes. Et puis me pousserai pour descendre encore plus intimement en toi. Pour un partage de mes lèvres à toi, sur ton sexe, sur ta peau. Juste comme si je discutais avec ton être. Et de mes mains posées sur ton sexe, tu te laisseras abandonner à moi. Et je t'embrasserai avec ma langue, avec mes seins, et je m'écarterai un peu en te suppliant juste de venir poser tes lèvres contre mes cuisses, entre mes cuisses. Et tu m'amuseras, je t'amuserai, et de temps en temps tu laisseras mon entrecuisse pour venir me délivrer ta langue contre la mienne, entre la mienne. Il l'a regardée, il la trouve touchante, les yeux fermés. Il comprend qu'elle se débat contre elle-même, contre son attirance. Tu es belle quand tu luttes contre toi-même. Je ne te cacherai pas mon émotion de te voir enivré de désir, je te le confie, rien que toi. Le désir m'enivre aussi, ne l'as-tu pas senti? Son tutoiement, son regard, en prononçant ces quelques mots, la plonge dans un délicieux abîme d'exaltation. Elle reprend une nouvelle fois conscience que sa sensualité est autant excitée que sa cérébralité. Ce tutoiement soudain me fait chaud au cœur, monsieur. Depuis le temps que nous nous connaissons, je veux dire, depuis tous ces jours et ces nuits où nous nous écrivons, où nous nous parlons, c'est la première fois. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Moi, je vous ai déjà tutoyé dans mes pensées.